Bonne nouvelle pour un hockeyeur natif de la région de Roberval, en fait. Christophe Lalancette s'est vu octroyer un contrat de la East Coast League actuellement. East Coast League dans l'organisation des Penguins de Pittsburgh, et plus particulièrement à Willing. Question de savoir davantage comment ça s'est passé, cette entente-là ou cet essai. On lui parle. Salut Christophe! Salut! Hey Christophe, Willing, c'est où en passant? Je suis quand même assez calé là, dans les... au niveau géographique des villes aux États-Unis, ça fait 35 ans que je suis le sport, mais Willing, là, c'est-tu pas loin de la Pennsylvanie? C'est où, en fait? Ouais, direct ça, c'est proche de la Pennsylvanie. OK. Et c'est loin de, c'est pas loin de Pittsburgh, c'est pas loin de Scranton-Wilkes-Barre? Ouais, je pense que c'est à peu près à 3 heures de Pittsburgh, si je me trompe pas. OK. Ouais. T'as-tu visité un petit peu les... t'as pas visité un petit peu l'aréna? Tu t'es pas rendu là jusqu'à... Non. Non, je pars aux alentours du 20-25 septembre, puis je vais sûrement m'en aller là, puis aller visiter. OK. Comment ça s'est passé ton entente avec l'organisation des Pingouins? Est-ce qu'il y avait seulement les Pingouins dans le décor, ou il y avait d'autres organisations aussi? Ben ça, j'ai pas mal laissé ça à mon agent, là, parce que moi, ça me tentait pas de me casser la tête avec ça, okay. Fait que j'ai dit de s'occuper de ça, puis... Okay. Tu sais, mon agent me disait tout le temps que les Pingouins m'aimaient beaucoup, puis tout ça, fait que... Ben là, il m'a appelé un matin, puis il m'a dit qu'il y avait un contrat à m'offrir. Fait que ben, ça s'est passé pas mal comme ça. J'étais vraiment content, puis il m'a envoyé ça par email. Okay. Willing, c'est une organisation des Penguins de Pittsburgh. J'imagine que ça met un petit peu un bombe parce que t'as été libéré par, je me sens, c'est les Sharks San Jose que t'appartenais. Donc, ça met un petit peu un bombe à ça. Ça a dû être décevant quelque part qu'on a été libéré par les Sharks. Non, c'est ça, c'est jamais le fun quand tu te fais libérer, là, mais tu sais, il m'avait invité l'année passée au camp des recrues à Pittsburgh, puis tu sais, j'avais quand même bien fait que il m'avait suivi là cette année, mais tu sais, j'ai été blessé deux fois. Okay. Des quand même grosses blessures, fait que tu sais, c'est ça, c'était plus plate, là, mais j'étais vraiment content quand que mon agent m'a appelé et il m'a dit qu'il y avait un contrat à m'offrir. OK. Qu'est-ce qu'on t'a garanti? Est-ce qu'on t'a dit que c'est sûr que tu fais l'équipe à Willing? Tu vas avoir un essai à Scranton-Wilkes-Barre? Qu'est-ce qu'on t'a dit là-dessus? Là? Ben, ils m'ont pas garanti rien. C'est juste c'est un contrat que tu signes. Okay. Puis d'après moi, je vais avoir un try-out dans la Ligue américaine. OK. Puis, s'ils me gardent, mettons, ben là, ils vont déchirer mon ancien contrat, ils vont m'en faire un autre. Mais, tu sais, tout peut arriver, là. Fait que, tu sais, c'est pas mal. Okay. Ça. Tu te donnes combien de temps dans les East Coast League? C'est sûr qu'il y a des joueurs que, écoute, ça, le chemin peut être long. La East Coast League, c'est quand même pas. C'est Willing, c'est pas une ville sexy tellement. Sauf qu'il y a toujours une possibilité de faire de se rendre dans la Ligue américaine et faire son petit bonhomme de chemin. Est-ce que comment tu te donnes de temps dans la East Coast League? Un an, deux ans? Ouais, j'ai aucune idée, là, mais tu sais, c'est sûr que j'aimerais ça passer le moins de temps possible parce que tu veux toujours monter en tant que joueur de hockey, là, mais c'est comme je te dis, là, tout peut arriver. Fait que si admettons j'ai un bon début de saison, ben, je peux monter à Noël, tu sais jamais. Fait que c'est sûr que mon but premier, ça va être de monter le plus vite possible, mais sinon, ben, tu sais, je vais finir mon année, puis après ça, on verra. Là, c'est comme je te dis, je veux vraiment monter le plus vite possible. Okay. Sur quoi t'as travaillé cet été pour essayer d'impressionner la direction des Pingouins? Ah ben j'ai travaillé pas mal tout là, tu sais, ma force physique, j'en avais besoin. Ouais. Après ça, mon explosion, j'ai travaillé ça cet été. Après ça, parce que eux autres, ils me disaient vraiment que c'est ma force physique qu'il fallait que je travaille parce que tu sais, j'étais vraiment en forme, mais t'sais, je manquais un peu de force physique pour jouer avec les hommes et tout ça. Fait que j'ai travaillé pas mal là-dessus cet été. Okay. Dirais-tu que le fait que t'as été blessé, ça nuit beaucoup à ton développement? T'étais blessé pas mal, là. Ce qu'on t'a pas d'histoire au cours des deux dernières années, là. Ouais, ben, pas vraiment. Ben, l'année qui vient de passer, mais l'autre d'avant, j'ai joué tous les matchs dans l'année, là. Fait que j'ai pas vraiment été blessé. Mais c'est plus cette année que j'ai été blessé. Je me suis cassé un doigt, puis je me suis cassé un pied. Fait que, ouais. Mais à part de ça, je suis pas vraiment un gars qui se blesse souvent, mais c'est juste cette année, j'ai pas été vraiment chanceux, je te dis. Ben, c'est ça. Puis c'est peut-être un peu pour ça également que les Sharks t'ont licencié un petit peu, là. Ouais, ok. Ben, je pense pas que c'est pour ça, là, mais sais, c'est sûr que ça n'a pas aidé non plus, là. Tu sais, que j'ai été blessé, puis j'ai pas joué, tu sais, les autant de matchs que j'aurais voulu. Fait que c'est sûr que c'est un facteur, mais... OK. Ben, Christophe, on va te souhaiter la meilleure des chances. On va te suivre de très, très près. C'est Willing, c'est tu pars le 25 septembre. Mais quand l'entraînement dure combien de temps? D'après moi, il va durer à peu près une semaine et demie. OK. Une semaine et demie. Là. C'est sûr ce qu'on fait, c'est qu'on amène le plus de joueurs au grand club. Par la suite, c'est le camp d'entraînement de la Ligue américaine qui débute et c'est le camp de la East Coast, c'est ça? C'est ça. Okay. Ben, Christophe Lancette, un gros merci. On se reparle à la fin du mois de septembre. Parfait, merci. Christophe Lancette, originaire de Roberval, qui s'est vu octroyer un contrat par l'organisation des Penguins de Pittsburgh.